cette période bénie des études, période avant la dure réalité du monde du travail, période préservée où chacun peut se plonger dans son travail de recherche, se concentrer sur une thèse qui sera le premier jalon d'une longue carrière académique d'enseignant-chercheur au terme d'un doctorat passé haut la main avec félicitations du jury. Mais si tout compte fait, une thèse n'était pas du tout un parcours de santé, mais l'exact inverse. Plusieurs études tendent à montrer que de nombreuses doctorantes et doctorants souffrent de ces années d'études et que le doctorat, loin d'être un vade-mecum, serait en fait une impasse dont on sort éprouvé, abattu et découragé. Thèse, le début de la fin, c'est le programme laborieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour se demander dans quelles conditions se passent les études doctorales en France et comment faire pour qu'elles ne se transforment pas en calvaire pour une partie des étudiantes et des étudiants, j'ai le plaisir de recevoir Adèle Bécombe. Bonjour. Bonjour. Et joyeux anniversaire donc. Vous êtes Merci. Avec plaisir. Soyez la bienvenue. Vous êtes docteur en neurobiologie, autrice de Comment l'université broie les jeunes chercheurs, c'est aux éditions Autrement. Jonathan Weitzmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de génétique à l'Université de Paris, co-directeur du magistère européen de génétique et directeur de l'EUR, l'école universitaire de recherche Gene en génétique et épigénétique, et également auteur du podcast The Lonely Pipette, que l'on peut retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et Colin Lemay, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie et consultant en psychologie environnementale et président de l'association Doctopus, association dédiée à l'étude des problématiques de la vie doctorale. Mais on commence par un tour de l'actualité scientifique de ces quelques derniers jours et pour cause, c'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec trois prépublications et de taille selon lesquelles le marché de Wuhan en Chine serait bel et bien l'épicentre de l'émergence du SARS-CoV-2. Oui, ce corpus est composé de deux prépublications parues sur la plateforme Zenodo qui viennent de deux équipes internationales et la troisième prépublication sur le serveur de préprint de Nature qui vient directement du CDC chinois, du Centre de contrôle des maladies infectieuses chinois qui avait fait plus de 600 prélèvements sur le marché de Wuhan dès janvier 2020. Alors comme pour une enquête, ce corpus réunit des techniques et des approches différentes. D'une part, nous avons les échantillons d'objets, des cages des animaux du marché, des chariots, les intérieurs de frigo, combinés avec le séquençage de génome des virus des patients contaminés très précocement et avec des méthodes géographiques pour localiser les cas. Ce qui nous permet de faire un traçage très précis de l'émergence de différents lignages du SARS-CoV-2. Et on voit apparaître sur une carte l'endroit où tous les premiers cas se sont concentrés comme l'épicentre d'un tremblement de terre. Sandrine Sarrazin est chargée de recherche INSERM au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Il faut imaginer le marché de Wuhan, c'est un marché, c'est assez petit, mais il y a deux halls, un hall ouest et un hall est. Ils ont fait des prélèvements partout, et en fait, ce que là les chercheurs ont découvert, c'est qu'il y avait des échantillons positifs, donc pour la présence du coronavirus, majoritairement dans le hall ouest. Et ce hall ouest, c'est celui qui hébergeait justement les animaux venus de la faune sauvage qui étaient en vente sur le marché de Wuhan. Il y avait pratiquement pas ou très peu d'animaux hébergés sur l'aile est. Ce que les deux équipes de chercheurs internationaux ont fait, c'est qu'ils ont regardé où étaient apparus aussi les premiers cas humains. Et donc en fait, les tout premiers cas d'humains étaient des vendeurs du marché de Wuhan et majoritairement des vendeurs qui travaillaient dans la partie ouest, là où il y avait les échantillons positifs et là où il y avait la faune sauvage qui était hébergée. Et ensuite, si on regarde comment s'est un peu diffusée la maladie dans les semaines qui ont suivi, eh bien, on voit que si on place les gens infectés sur la carte de Wuhan, eh bien, il y a comme un épicentre autour du marché de Wuhan. Ça nous donne des animaux candidats. Alors, on retrouve effectivement dans le marché de Wuhan en novembre-décembre 2019, au moment où visiblement le virus commençait déjà à se propager, en fait, Parmi les animaux, on retrouve les chiens vivérins, les blaireaux, les renards roux, les rats bambou chinois, voilà, un certain nombre de mammifères dont on sait maintenant qu'ils sont effectivement des réservoirs potentiels du virus et qui peuvent être contaminés par le virus. Donc en fait, l'hypothèse maintenant, c'est que le virus était probablement présent dans un ou plusieurs individus animaux venus de la faune sauvage qui étaient hébergés dans le marché de Wuhan. Le virus s'est d'abord propagé parmi les animaux avant d'être transmis à un humain, on voit des humains dans le marché, probablement des humains, puisqu'il y a eu visiblement deux événements de transmission indépendants des animaux vers l'homme, qui expliquent l'existence donc de deux lignages, le lignage A et le lignage B du SARS-CoV-2, dont on ne comprenait pas bien l'origine jusqu'à maintenant, quoi. Donc il semblerait que ces deux lignages soient la cause de deux événements de transmission des animaux sauvages vers des humains au sein du marché de Wuhan. Et voilà, il s'agit bien sûr de prépublications qui demanderont à être confirmées, mais il semblerait bien qu'après 2 ans de pandémie, puisqu'on fête quasiment les 2 ans de pandémie, on célèbre malheureusement, on ne les fête pas, on est enfin fini par trouver l'origine de ce fichu virus. Voilà, et vous pouvez retrouver bien entendu ces prépublications sur notre fil Twitter, @lamethodefc. Et on passe au bref. L'aide européenne aux scientifiques ukrainiens se met en place. Hier, le CNRS a annoncé la suspension de toute collaboration scientifique avec la Russie. Et les sanctions envers la Russie touchent dorénavant le monde scientifique. Dans un communiqué, le CNRS a annoncé son soutien et son entière solidarité envers l'Ukraine. Par conséquent, le Centre national annule tous les événements scientifiques présents et à venir qui impliquent la Russie. De plus, avec le programme PAUSE et un fonds d'urgence, le CNRS propose d'accueillir les chercheurs et chercheuses ukrainiennes, tout en précisant que les chercheurs russes qui travaillent dans les laboratoires français peuvent poursuivre leur activité. En Allemagne, le ministère de l'Éducation et de la Recherche a également demandé à tous ses instituts de suspendre les collaborations avec les chercheurs russes et biélorusses. Hier, l'ONU a annoncé un premier accord mondial contre la pollution au plastique. Oui, pas un seul recoin de notre planète n'échappe à cette contamination. Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique se décharge dans les océans. Chaque minute. Si rien n'est fait, ce chiffre devrait quadrupler d'ici 2050. Hier, à Nairobi, au Kenya, lors de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, les 175 pays réunis ont adopté une mention qui doit conduire à l'élaboration d'un traité international pour lutter contre cette pollution. Un traité qui devrait être juridiquement contraignant d'ici 2024 et qui concernera toutes les étapes du cycle de vie du plastique, sa production, sa consommation, son recyclage et la gestion des déchets. Et enfin, une prépublication sur la plateforme CellPress décrit la découverte d'un nouveau type de virus Ebola. Et cette équipe internationale a identifié chez des chauves-souris d'Afrique équatoriale le virus Bombali, génétiquement proche du virus Ebola. Alors pour le moment, il n'y a jamais eu de saut d'espèce, pas de contamination humaine, mais les chercheurs ont voulu voir s'il pouvait se propager aux humains. Les auteurs ont découvert qu'il pouvait infecter et se multiplier dans les macrophages, des globules blancs. De la même façon que son cousin Ebola, Bombali pénètre dans les cellules immunitaires, mais heureusement, comme pour le virus Ebola, certains traitements actuels fonctionneraient également contre ce virus. Merci Natacha. Demain pour le journal des sciences de la semaine. Chaque année, ce sont donc environ 15 000 étudiantes et étudiants qui se lancent dans un parcours de thèse toute matière confondue, un parcours de 3 ans minimum, généralement plus, financé ou non, plutôt non pour les sciences humaines et sociales, plutôt oui pour les sciences dites dures, et qui a pour ambition, ce parcours pour la plupart, eh bien d'aboutir à terme à un poste de recherche dans le monde académique. Mais voilà, ça c'est le parcours théorique, parce qu'en pratique, ce n'est pas du tout la même histoire. Un parcours sur 4 va se terminer par un abandon et un certain nombre de ces parcours virent à la turbulence, voire au cauchemar. Selon différentes études, entre 1 doctorant sur 4 et 1 doctorant sur 2 présenterait des troubles du comportement à l'issue de ces études, des symptômes physiques également, souvent liés à l'épuisement, au surmenage, voire à la dépression. De plus en plus donc de jeunes docteurs prennent la parole ou la plume pour évoquer ces parcours de thèse qui vire mal, c'est notamment le cas de Tiphaine Rivière dans la bande dessinée Carnet de thèse publiée au Seuil. Jeanne a 27 ans et s'apprête à réaliser son rêve. Elle va faire une thèse, plonger dans le monde de Kafka, explorer le labyrinthe de son œuvre, travailler jour et nuit, devenir rat de bibliothèque et aimer ça. Des échanges intellectuels de haute volée, une vie de couple glamour, des colloques internationaux, une vie d'université innovante et dynamique, et Brigitte. Voir l'argent couler à flot, l'admiration des autres, avoir le soutien de sa famille et surtout, surtout, l'estime de soi. Oh, la thèse. Quelles belles années, quelle aventure. Voilà la bande-annonce de cette bande dessinée Carnet de thèse de Tiphaine Rivière. Quand le parcours de thèse difficile, vous l'aurez compris, est décrit avec humour, quand il est pris de façon plus frontale, plus sérieuse et également plus scientifique, ça donne Comment l'université broie les jeunes chercheurs, précarité, harcèlement, loi du silence aux éditions Autrement par Adèle Bécombe. Adèle, peut-être pouvez-vous nous raconter comment et pourquoi est né ce livre et l'idée de ce livre ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis docteur en neurobiologie, j'ai effectué ma thèse, je l'ai soutenue en 2017. J'étais clairement dans une équipe dysfonctionnelle, mais c'est en sortant en fait du monde de la recherche que j'ai compris que les problèmes que j'avais observés n'étaient pas du tout des cas isolés. Et en fait, c'est en discutant avec de nombreux docteurs ou doctorants que je réalisais l'étendue de ce problème-là. Le problème que j'ai vite rencontré, c'est qu'en fait, on en parlait très peu dans les médias. On parlait surtout de la difficulté peut-être de trouver un emploi après le doctorat, mais rarement, vraiment très rarement, des problèmes relationnels qu'on pouvait vraiment rencontrer dans la recherche. Et ensuite, en allant sur les réseaux sociaux, je voyais bien qu'il y avait de nombreux problèmes qui ressortaient sur les réseaux sociaux, souvent sous couvert d'humour, pas exclusivement, mais quand même souvent. Et donc, je me suis dit, moi, je vais essayer de mieux comprendre ce phénomène-là. Je vais faire un questionnaire pour comprendre déjà l'étendue de ce problème-là. Et ensuite, je vais aller à la rencontre de ces doctorants, de ces anciens doctorants, pour comprendre vraiment la réalité pure, la réalité la plus précise possible de ce qu'ils ont vécu. Alors, à l'origine, vous avez donc proposé un questionnaire. Vous précisez d'ailleurs, dès le début de ce livre, que vous n'êtes ni sociologue ni journaliste. Néanmoins, ce questionnaire, il vous revient. Vous recueillez 1877 témoignages. Vous l'avez envoyé, vous l'avez publié sur les réseaux sociaux également. Vous l'avez envoyé à 500 écoles doctorales. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot de la façon dont vous avez appréhendé ce panel ? Parce que, comme vous le précisez une fois de plus, vous n'êtes ni sociologue ni journaliste. Vous recueillez un certain nombre de données. En quelle mesure vous avez réussi finalement à les traiter pour produire ce livre et cette étude ? Alors déjà, c'est un questionnaire qui s'est adressé aux doctorants, mais aussi aux docteurs qui revenaient sur leur expérience doctorale, ainsi qu'à, dans une moindre mesure, les personnes qui ont effectué un doctorat, mais qui ont arrêté avant la soutenance. Et ensuite, vraiment, pour réduire au maximum le biais d'échantillonnage, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement des personnes qui sont concernées par des problèmes, bien qui répondent à ce questionnaire, je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux, mais je l'ai pas présenté comme un questionnaire sur le harcèlement durant le doctorat. Je l'ai présenté comme un questionnaire de façon assez générale sur la qualité de vie durant le doctorat. Et ensuite, l'idée ici, c'était pas de cantonner ce questionnaire-là à une seule université ou à une seule filière. L'idée, c'était de permettre à toute personne ayant effectué un doctorat en France, toutes filières confondues, de pouvoir y répondre. Et d'ailleurs, j'ai quasiment moitié-moitié de personnes en sciences dites humaines et en sciences dites dures qui ont répondu à cette enquête-là. Alors, je vais vous poser, je suis désolé, parce qu'évidemment, on est dans la méthode scientifique et vous avancez des choses qui sont effectivement un constat qui est d'une dureté assez terrible quand on lit ce livre. Mais la question que je me posais en le lisant, Adèle Bécombe, c'est pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas justement adjoint pour ce travail, l'aide de quelqu'un en sociologie qui aurait pu justement vous aider à trier ces données, à éviter ce que vous dites, c'est-à-dire le biais d'échantillonnage ou de représentativité? Parce que quand on lit, les chiffres sont tellement élevés qu'on a le sentiment que la plupart des gens qui vous ont répondu sont quand même des gens qui sont globalement en souffrance et que donc il y a forcément un biais un petit peu de ce côté-là. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a à la lecture de ce livre-là, ou alors la réalité est effectivement absolument effroyable, quoi. Alors, j'ai assez échangé avec Doctopus, justement représenté par Colin ici, et ensuite sur cette réalité-là en fait est corroborée par la littérature internationale. Quand vous avez Nature en 2019 qui fait un sondage international sur plus de 6000 personnes qui ont effectué un doctorat et que 21% répondent avoir vécu des maltraitances durant leur doctorat, moi mon chiffre c'est 20%, donc on voit que ça s'intègre vraiment dans une réalité qui n'est pas que franco-française d'ailleurs, qui est vraiment internationale, que l'on retrouve partout. Colin Lemay, un mot sur la nature du travail d'Adèle, sur ce livre, et puis plus généralement sur la façon dont on peut recenser cette souffrance dont on va parler tout au long de cette heure des jeunes doctorantes et des doctorants. Je corroborerais du coup les propos d'Adèle, déjà parce que son travail, nous, on a pu le suivre depuis le départ. Alors, en tant que d'Octopus, c'est-à-dire de jeunes docteurs à l'époque qui travaillent en psychologie, donc avec l'habitude de faire justement ce genre d'enquête, donc on a pu l'aider sur cette enquête pour tout ce qui va être la construction du questionnaire, pour éviter un certain nombre de biais déjà dans cette construction, pour sa diffusion également. Mais ce que je pense qui est le plus intéressant ici, c'est bien que ces résultats, ils sont cohérents avec la littérature internationale. Et en France, on a des travaux qui ont été faits par Pascal Hague, par exemple, qui trouvent des résultats qui sont sensiblement similaires. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire... En doctorat, tous les facteurs de risque sont présents. On a cette forte pression à la fois au niveau de la production, de la hiérarchie, un haut niveau d'exigence aussi, parce qu'on est quand même sur un travail de pointe. Le doctorat, il faut le reconnaître, c'est quand même un travail qui est exigeant. C'est un travail qui demande un haut niveau d'expertise, une charge de travail qui est très importante, qui empiète sur la vie privée. Donc on a tous ces facteurs de risque qui sont bien présents. Et malheureusement, dans les faits, quand on va voir du côté de la littérature scientifique, quand on va voir du côté des témoignages aussi, et je pense que les témoignages ont aussi leur importance, parce qu'ils permettent de bien comprendre aussi les mécanismes qui vont être derrière ces situations de souffrance, on est sur des résultats qui vont tout à fait dans le sens des résultats d'Adèle. Alors, qu'on s'en réjouisse ou pas, hein, c'est vraiment un constat qui est international, qui fait un peu mal au cœur aussi, parce que on est sur quand même une formation qui, je pense... reste une formation de qualité, qui est une formation qui est reconnue au niveau international. Donc c'est véritablement ici, nous en tant qu'association par exemple, on travaille beaucoup sur cette question-là, tout simplement pourquoi, pour faire un peu changer les choses, pour éviter cette question de l'abandon au doctorat qui a été abordée rapidement en introduction. Faut bien se rendre compte que certes, quand on appartient, quand on travaille pas dans le monde de la recherche, quand on n'est pas dans un laboratoire, on s'en rend pas forcément compte. Les personnes qui sont souvent mises en avant, c'est des professeurs, c'est des chefs d'équipe. Quand on regarde un peu plus en détail au niveau de la production scientifique, en fait, on s'aperçoit que selon les estimations, on est à près de 50% de la production scientifique actuellement qui est réalisée par des doctorants qui sont véritablement la force de travail dans le monde de la recherche. Mmh. Et donc, passer à côté de ces situations de souffrance, ne pas y répondre, pour nous, c'est véritablement ici un problème. D'autant plus que de plus en plus, on le voit, que ce soit en SHS ou dans les sciences naturelles, par exemple, la société a de plus en plus besoin de ces compétences de doctorants. Donc c'est pour ça aussi qu'il nous semble vraiment important de travailler ces questions-là et de chercher à faire évoluer les façons d'encadrer, par exemple. On en reparlera parce que c'est évidemment l'une des grosses pierres d'achoppement, hein, manifestement en France, en tout cas la question de l'encadrement et de la formation à l'encadrement des directeurs et des directrices de thèse. Un mot également, Jonathan Weitzman, comment est-ce que vous avez reçu, vous, ces travaux d'Adèle Bécombe et de Doctopus, ou en tout cas, finalement, cette tentative aujourd'hui de quantifier scientifiquement, ou en tout cas le plus scientifiquement possible, cette notion difficile à appréhender que peut être la souffrance durant ses études et durant son travail de thèse. Comme les autres, j'étais choqué par les histoires qui sont racontées dans le livre d'Adèle. Et donc, effectivement, on est conscient qu'il y a un problème. C'est un peu difficile à chiffrer et d'avoir une approche scientifique à le chiffrage. Mais effectivement, il y a un problème. Ce qui m'intéresse, c'est comment améliorer. Je note que dans le survey de Nature de 2019, il y a 75% des gens qui répondent qu'ils sont satisfaits pendant leur thèse. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est mal partout, mais ce qui m'intéresse, c'est comment améliorer et identifier les problèmes qui pour les jeunes doctorants. Et je vais dire, alors évidemment avec un biais gigantesque qui est le biais de notre public et de l'appel que nous avons lancé sur les réseaux sociaux pour le reportage que vous entendrez tout à l'heure et pour ce que je suis en train de voir en ce moment même, la parole se libère extrêmement facilement puisque nous avons fait un appel à témoignages pour entendre, pour un reportage que vous pourrez entendre encore une fois dans la deuxième partie de l'émission, et tout de suite la parole se libère énormément et il y a vraiment une... on ressent, Adèle Bécombe, la volonté de parler très rapidement et y compris même au sein de notre propre équipe, l'une de nos collaboratrices qui, au moment de fabriquer cette émission, nous a dit « moi, je n'en ai jamais parlé, mais ma thèse s'est extrêmement mal passée, c'est la première fois que je prends la parole » et son témoignage était assez criant parce que c'est vraiment du harcèlement caractérisé et effectivement, elle a passé, et on la salue et avec beaucoup d'affection, 3 ans en enfer. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois on parle de mal-être, mais avec le mot mal-être, ça donne pas vraiment l'étendue, l'ampleur de la gravité des faits. Mais là, il faut savoir que oui, c'est pas juste être un petit peu fatigué et pas vraiment voir sa famille le week-end. Non, ça peut aller extrêmement loin. Il y a des cas de harcèlement moral, l'interdiction de prendre des congés, l'interdiction d'utiliser les propres financements qu'on a reçus, par exemple, ou alors on peut avoir du plagiat, l'interdiction en tout cas des critiques, la possibilité de ruiner véritablement la carrière des jeunes chercheurs. Et quand vous parlez de libération de la parole, moi, quand j'ai commencé en 2019 cette enquête-là, il n'y avait pas grand-chose. Et quand je suis allée à la rencontre des personnes qui souhaitaient témoigner, c'était encore difficile de le faire à visage découvert, de le faire vraiment en citant des noms, parce que la peur de ruiner sa carrière, la peur d'avoir même ne serait-ce qu'un procès en diffamation, parce que le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, ça reste malheureusement difficile à prouver. Et donc, il y a véritablement cette peur de parler, mais c'est une peur qui, au fur et à mesure qu'on voit cette libération de la parole, eh bien, les gens prennent de plus en plus cette confiance. Et moi, là, depuis surtout la sortie du livre, des gens me contactent en me disant « je suis prête à parler à visage découvert ». Et actuellement en France, dans plusieurs villes françaises et même en Outre-mer, il y a des situations graves de harcèlement moral, de harcèlement sexuel avec des personnes, généralement des grands pontes ou des personnes, des directeurs de recherche, et même c'est couvert par certaines directions d'université, eh bien ces personnes sont toujours en poste. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h22, nous parlons de la difficulté et de la souffrance en thèse et pendant le doctorat. Nous en parlons avec Adèle Bécombe, Jonathan Weitzman et Colin Lemay. Colin Lemay, peut-être, qu'est-ce qui se passe mal? Alors concrètement, on entend des situations de harcèlement moral, des situations de harcèlement sexuel et qui ne sont pas anecdotiques, hein, qui sont en termes de quantité significativement représentatives et tristement malheureusement représentatives. Qu'est-ce qui se passe pour que dans ces laboratoires, dans ces milieux de thèse, il y ait autant, manifestement, autant on parle... Alors, je vais vous laisser les quantifier exactement, hein, parce qu'on parle d'un doctorant sur 4, sur 3, sur 2, c'est difficile, là encore une fois, à quantifier de manière précise. Mais pourquoi est-ce que ces milieux deviennent, pour certaines personnes, et pas pour toutes, évidemment, il faut le préciser, mais pour certaines personnes, un milieu extraordinairement toxique? Je pense que déjà en ce qui concerne la quantification elle est très difficile parce qu'en fait la situation elle est vraiment variable d'une unité de recherche à une autre, d'un directeur de recherche à une autre, et c'est une parole qui n'est pas encore libérée. Les enquêtes qui existent, elles portent sur du mal-être, on pose ces questions-là de façon un peu détournée. Pour le quantifier, c'est vraiment très difficile et c'est ce qui explique ces écarts. Maintenant, pourquoi cette situation elle existe dans le monde de la recherche? Faut bien se rendre compte qu'on est dans un milieu qui est extrêmement compétitif, qu'il devient de plus en plus. On n'est pas seulement en compétition sur un sujet avec d'autres unités de recherche, on est aussi en compétition au sein de son laboratoire parfois, sur des questions de publication, sur des questions de financement, et aussi tout ce qui va relever de l'image des universités qui ont aujourd'hui une image à défendre, aussi une marque à vendre, tout simplement, il faut le dire aussi, les universités sont des marques qui s'exportent. Il y a cette question de l'image qui est très importante et qui fait qu'un certain nombre de problèmes se traitent en interne. Et parmi ces problèmes-là, ces questions de harcèlement, ces questions de relations toxiques avec le directeur de thèse, elles en font malheureusement partie. tout simplement, alors pour pas écorner une image, il y a aussi des questions tout simplement de cette relation qui est très asymétrique entre un directeur de thèse qui peut véritablement défaire la carrière de son doctorant, c'est lui qui est un peu le maître à bord. Il a de son côté un réseau qui est déjà établi, il travaille déjà avec d'autres laboratoires, d'autres partenariats. Le doctorant, de son côté, il peut se retrouver dans une position où il se sent isolé, il se sent vulnérable, il se sent dépendant d'un directeur de recherche, avec très souvent un sentiment de je ne peux pas en parler à mes collègues parce que je vais faire des vagues et que ça va être encore pire. J'ai peur d'en parler au service de santé, par exemple, parce que de la même façon, j'ai peur que d'une manière ou d'une autre, les choses me retombent dessus. Donc, je vais essayer de ne pas faire de vagues, ne pas en parler, de traverser cette période. Et je pense que ce qui est assez significatif, c'est que beaucoup des témoignages qui nous parviennent, pour tout ce qui est les doctorants encore qui continuent à réaliser leur thèse et qui continuent à le faire parce qu'ils sont vraiment habités par la volonté de faire de la recherche, par participer à la science, tous ces témoignages, généralement, ils nous parviennent après le doctorat. C'est des situations qui, sur le coup, sont pas abordées ou alors de manière anonyme. Alors, dans ces cas-là, les doctorants qui viennent nous en parler, qui sont prêts à en parler durant leur doctorat, sont déjà à moitié dans une démarche d'abandon. Il y a vraiment un sentiment de vulnérabilité très important et qui est assez réel, malheureusement, avec un directeur de recherche qui peut un peu faire la pluie et le beau temps dans la carrière du doctorant. On a le sentiment, quand on lit le livre d'Adèle Bécombe, quand on lit les témoignages, en ce moment même sur Twitter, des témoignages spontanés qui tombent. Je peux lire celui d'Aurélie qui est en train de nous écrire: c'est une catastrophe française. Pour mon seul cas, j'ai dénoncé ma situation à toute la chaîne hiérarchique demandant le changement de directeur et la seule réponse donnée a été: il accepte de vous reprendre. On a le sentiment, Jonathan Weitzman, qu'il y a comme inscrit dans l'inconscient collectif une sorte de culture du doctorat souffrance. Il y a d'ailleurs une anecdote que rapporte Adèle Bécombe, un témoignage, un directeur de thèse qui déclare à son doctorant: en thèse, si tu ne souffres pas, c'est que ça n'est pas une bonne thèse. Est-ce que c'est propre à la France? Est-ce que c'est une culture globale? Est-ce que ça fait partie d'une forme de rite toxique d'initiation selon lequel le doctorant ou la doctorante devrait souffrir, devrait se faire plagier ses recherches, devrait travailler nuit et jour parce que il faut en passer par là, parce que tout le monde en passe par là et parce qu'il y a une forme de reproduction d'une génération sur l'autre? Bon, je crois pas du tout qu'il faut souffrir en thèse. Donc, je vous invite de venir dans le laboratoire. Il y a des thèses qui se passent très, très bien. Absolument. Et ça peut être vraiment un moment extrêmement enrichissant pour un jeune chercheur. La recherche, par nature, est difficile parce qu'on est en face de l'inconnu dans un paysage compétitif et avec des problèmes de financement, précarité de carrière, etc. Mais ça peut être un moment extrêmement riche et je dois dire, je souligne avant de parler des problèmes, qu'on ne parle pas assez de toutes les choses qui sont bien dans la recherche. Par exemple, un jeune doctorant, et ça se voit dans le livre d'Adèle, quelqu'un qui arrive dans le métier tout de suite et peut contribuer à le développement de la connaissance scientifique, peut publier, avoir les brevets, etc. Donc, les doctorants sont vraiment les premières lignes dans la découverte scientifique. Donc, c'est pas pour nier ce qui est témoigné dans le livre, mais c'est juste pour contextualiser ça. Et clairement, c'est très différent entre les disciplines. En biologie, particulièrement dans les milieux à l'Université de Paris, il y a un effort pour améliorer en constant la vie de thésard, parce qu'on sait qu'actuellement, la vie de thésard, surtout après les impacts de COVID, est par nature difficile et compliquée. Je crois que les conditions ont beaucoup amélioré depuis que moi j'ai souffert en thèse. Donc, je sais qu'est-ce que c'est. Et j'ai pas dit que mes doctorants devraient souffrir. Au contraire, j'ai dit, je vais pas reproduire ce que j'ai vu quand j'étais jeune. Et on va essayer de créer un autre type d'ambiance pour les jeunes chercheurs. Mais alors, un mot peut-être, Adèle Bécombe ou Colin Lemay, enfin Adèle Bécombe pour commencer, sur cette notion. Jonathan Weitzman a réussi à casser le fil de la souffrance ou l'héritage de la souffrance, mais quand on a été maltraité, on maltraite. Vous, on lit beaucoup dans votre livre des directrices ou des directeurs de thèse qui disent: ah oui, mais moi à mon époque c'était comme ça, il y a 20 ans c'était comme ça, et maintenant toi t'as de la chance, donc tais-toi et bosse et endure les souffrances, les brimades, les vexations, l'évolution, etc., etc. Parce que il y a vraiment, on va pas rentrer dans les détails. Je vous renverrai vers le livre, mais des anecdotes ou des témoignages qui sont absolument glaçants, qui sont intolérables à lire, quoi. Oui, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les témoignages et même les personnes qui me contactent après. Cette phrase-là, « moi j'ai souffert et donc tu devrais pas te plaindre », en gros, c'est quelque chose qui résonne énormément chez ces personnes, chez les lecteurs et les lectrices. Alors, pour quelles raisons ? C'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, je pense qu'il y a plusieurs profils différents de directeurs de thèse. Bien évidemment, comme Jonathan, il y a bien sûr ceux qui sont passés par là et qui ne veulent pas reproduire, donc ça... c'est ce cas-là, mais pour ceux qui reproduisent ces problèmes, je pense que c'est sincèrement, il y en a qui sont persuadés que ce n'est que comme ça qu'on peut y arriver, parce que eux, en fait, ça s'est passé comme ça pour eux. Donc, quelque part, presque, ils feraient ça pour notre bien. Ça serait un peu tordu, on est d'accord, mais quelque part, c'est ça. Et d'autres, j'en suis également persuadée, considèrent que eux, eh bien, la souffrance, ça fait partie de la science. Il n'y a En gros, le mérite, la notion de mérite dans la recherche et dans le doctorat en particulier, eh bien, c'est une souffrance qui n'est pas juste un défi intellectuel, mais vraiment, en fait, c'est tout donner pour la science, sacrifier au maximum sa vie privée pour prouver qu'on mérite sa place ici. Donc ça, ce sont des attitudes qui sont profondément toxiques. Colin Lemay, comment explique-t-on qu'il n'y ait pas de signaux d'alerte parce que on peut faire le listing hein, des brimades, mais c'est donc travailler toute la nuit, travailler tard le soir. Il y a des questions aussi de directrices ou de directeurs de thèse qui favorisent la compétition entre leurs doctorants qui se piquent leurs travaux sans vacances pendant 3 ans avec des reprises de travaux qui sont à peine citées dans les publications. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas, à un moment donné, des signaux, des courts-circuits qui permettent de dire « c'est trop », non, des gens qui lèvent le ton, qui puissent faire appel à de la hiérarchie académique pour dire « ce qui est en train de se passer n'est pas tolérable ». Faut bien se rendre compte que c'est très compliqué déjà d'accepter tout simplement qu'on est dans ces situations-là. Quand on est doctorant, en général, on va plutôt chercher à cacher ces situations de vulnérabilité pour éviter justement d'être mis au banc, pour éviter d'être perçu comme une personne un peu faible et donc de passer à côté de certaines opportunités qui sont plutôt présentées à d'autres. C'est assez difficile déjà de l'imaginer pour soi, de l'accepter pour soi et donc d'aller voir quelqu'un d'autre. Il faut se rendre compte aussi que c'est un milieu dans lequel tout le monde est sous pression et parfois même on a des attitudes dans lesquelles on peut avoir des titulaires qui n'acceptent pas qu'une personne se mette en vacances tout simplement parce qu'elles ne le font pas. Et il y a une dynamique dans laquelle finalement tout le monde va essayer d'en faire plus, de montrer qu'il sacrifie plus, alors que encore du côté des doctorants, on n'est pas du tout dans la même situation que les titulaires, que des personnes qui ont une relative sécurité de travail. Ici, on est sur des doctorants, des personnes qui ont une charge de travail très importante, qui vont faire les mêmes sacrifices que les titulaires en place, mais qui, dans le même temps, manquent de perspectives d'avenir. La réduction des postes aujourd'hui, je pense qu'elle est aussi en partie responsable de la libération de la parole. Des gens qui savent, qui se rendent compte qu'ils n'auront pas de poste sont aussi plus à même de témoigner parce qu'ils ont accepté en quelque sorte de ne pas faire partie de cet univers et donc de témoigner. Donc il y a cette question-là qui, à mon avis, est assez centrale. De la même façon, du côté des encadrants, c'est, je pense, difficile dans le cadre de leur accompagnement de doctorants, d'identifier ces situations de souffrance. Il y en a qui le font très bien, mais quand ils le font en général, ça fait pas partie de ce rôle d'encadrant de thèse. C'est quelque chose qu'ils ont en eux, qu'ils accompagnent leurs doctorants au-delà de ce qu'ils devraient faire simplement d'un point de vue scientifique. Ils s'intéressent au devenir de leurs doctorants, ils s'intéressent à la santé de leurs doctorants. Mais ça, c'est des encadrants qui sont des encadrants en or, hein, qui vont au-delà de ce que le temps qu'ils peuvent allouer à leur doctorant leur permettrait normalement de faire. Adèle Bécon, vous vouliez réagir? Oui, et aussi sur cette difficulté justement de faire remonter ces problèmes. En tout cas, comme on peut le voir sur les témoignages et sur les chiffres, certains doctorants qui parlent ont un silence radio complètement de la part de la direction. Et ça, il faut vraiment prendre en compte l'aspect politique de la recherche. Le fait que la recherche, malheureusement, se fait beaucoup en réseau et que même quand on parle, on dit à son encadrant, on dit à un directeur d'une autre équipe, moi je me fais harceler, moi je vis ces situations-là, eh bien cet autre directeur, peut-être même la direction de l'université, ne va pas forcément oser réagir parce que c'est se mettre un collègue à dos, donc c'est peut-être avoir plus de difficultés pour faire des collaborations scientifiques, c'est peut-être plus de difficultés pour obtenir des financements, et aussi, comme disait Colin, ça écorne l'image. Ça écorne l'image. Donc là, il y a une notion qui va au-delà du bien-être des jeunes chercheurs. Mais le comité de suivi de thèse, Adèle Bécomba, ça, c'est pas censé justement mettre un peu le nez dans les travaux et regarder ce qui est en train de se passer et voir si les choses se passent mal? Ah si, alors le comité de suivi de thèse, c'est une très bonne idée, c'est juste qu'il est vraiment imparfait, c'est-à-dire que donc pour ceux qui connaissent pas, le comité de suivi de thèse est un comité qui se réunit à peu près tous les ans pour évaluer l'aspect scientifique des recherches, d'une part, mais aussi l'aspect humain. Et autant sur l'aspect scientifique, bien c'est très bien, on peut donner des idées quand on a un blocage, voilà, avoir toute une réflexion autour de ça. Mais sur l'aspect humain, comment vous allez dire à des personnes qui ont été généralement, la plupart du temps, choisies par votre propre directeur, comment à ces personnes-là, vous allez leur dire, eh bien, votre ami, ce directeur-là, moi, il me harcèle. En fait, il y a un problème de conflit d'intérêt. Mmh. Et même s'il n'y a pas de conflit d'intérêt, ce sont des personnes qui sont avant tout des chercheuses, des chercheurs, qui ne sont pas nécessairement formés à la psychologie, qui ne sont pas forcément formés à recueillir un problème de harcèlement, un problème d'agression sexuelle ou de vol de travaux, et qui ne sauront pas toujours comment réagir. En fait, on se base sur le fait d'avoir de la chance, d'avoir une personne qui sait réagir face à ça. Mais on ne peut pas juste se baser sur la chance. Il faut des personnes qui soient formées à ça. Bien sûr. On va reparler dans quelques minutes de la question de l'encadrement. Mais Jonathan Weitzman voulait réagir également. Jonathan. Oui, c'était juste sur la question des signaux d'alerte. Effectivement, il y a des signaux et peut-être une partie de la solution, c'est de commencer l'éducation et la réflexion sur la thèse beaucoup plus avant en master. Parce qu'en master, c'est en master qu'un étudiant va choisir son première expérience de laboratoire dans ce stage de master, qui souvent est le laboratoire dans lequel il reste pour la thèse. Donc, on voit dans le livre d'Adèle, par exemple, le premier personnage, l'histoire de Laurine. Laurine, elle accepte d'aller dans un laboratoire qui l'a mis comme un co-signateur d'un travail scientifique, même avant qu'elle arrive. Donc, c'est clair, c'est pas acceptable d'être co-auteur de quelque chose qu'on n'a pas contribué, mais elle va quand même. Donc, dès le master, on essaie d'éduquer les étudiants. S'il y a deux étudiants sur le même projet pour l'école de droit, il faut pas aller. S'il y a des choses qui sont un peu louches, il faut pas aller. Et je souligne pour les étudiants, il y a plus de laboratoires qu'il y a de bons étudiants. Donc, l'étudiant a pas besoin d'aller en thèse juste parce qu'il y a une bourse de thèse. L'étudiant a besoin vraiment, en master, de prendre le temps de trouver les bons laboratoires et de prendre le temps de rencontrer les gens qui étaient dans ces laboratoires pour voir et pour réfléchir sur son expérience. Oui, et ne pas aller forcément, ne pas continuer sur un chemin tout droit simplement parce qu'on a commencé dans telle université ou dans tel laboratoire. La possibilité du choix, c'est une autre question. On va continuer à discuter de ces parcours de thèse problématiques. On va essayer de comprendre surtout quelles sont les solutions, comment on peut changer et briser cette culture du doctorat souffrance. Ce sera dans quelques secondes musicales. Les océans asséchés, fragiles, sous nos consciences hyper tranquilles. Ça tient pas, ça tient à rien tout ça. Des yeux purs sous le ciel ancien de mes rêves, ça tient pas, mais comment tout s'effondre? Mes rêves purs au seuil ancien d'une porte entrouverte. Ça tient à rien tout ça. Sauf à remonter les marches du rêve, sauf à retourner les rêves à l'envers. Retourner les rêves des âmes vives, les yeux grands ouverts d'une nuit entière. des rêves à l'envers d'El Cielo à 16h40 sur France Culture. Nous parlons de doctorat, de parcours doctoraux qui ne se passent pas forcément bien. Comment l'université broie les jeunes chercheurs, c'est le livre d'Adèle Bécombe qui est notre invitée, également docteur en biologie. Nous en parlons avec Jonathan Weitzmann qui est professeur de génétique à l'université de Paris et directeur de l'école universitaire de recherche GIN en génétique et épigénétique, également auteur du podcast The Lonely Pipette, et Colin Lemay, docteur en psychologie et consultant en psychologie environnementale et président de l'association Doctopus. Comme le disait et comme le soulignait Jonathan Weitzmann, heureusement que tous les parcours doctoraux ne se passent pas mal et ne virent pas au cauchemar. Il y en a quelques-uns qui se déroulent bien, mais tout ne s'arrête pas avec la fin du doctorat. Que se passe-t-il ensuite? Trouver une place en recherche académique, c'est une autre paire de manches. Bonjour Alexandra Delbeau. Bonjour Nicolas. Joyeux anniversaire également. C'est la journée des anniversaires. Vous avez rencontré un chercheur pour qui la thèse, elle, s'est déroulée à merveille. C'est après que ça s'est gâté. Exactement. Il s'agit de Thomas Lerin, qui est chercheur à présent dans le privé et qui pensait à son entrée en doctorat que sa carrière dans la recherche publique était toute tracée. Il réalise un doctorat de 2016 à 2019, une thèse qui s'est déroulée donc sous les meilleurs auspices, dans des conditions financières et humaines optimales. Mais c'est au moment de son post-doctorat que ses certitudes sur son projet professionnel vacillent. D'abord par certains aspects auxquels il n'était pas préparé, c'est-à-dire un projet à recommencer de zéro, dans une discipline dont il n'est pas totalement expert, et cela à l'étranger et donc loin de ses proches. Ensuite, il subit la pandémie de Covid, qui n'a bien sûr pas épargné la recherche, et surtout, il soumet de multiples demandes de postes permanents qui sont toutes rejetées. 3 candidatures en 1 an et demi, une période de temps assez courte, mais suffisante pour provoquer chez lui une forme de lassitude et de désillusion sur la recherche publique, et qui l'a finalement poussé à stopper sa carrière académique. J'ai commencé ma thèse en 2016 à l'université d'Aix-Marseille, et donc ça a duré jusqu'à 2019. Et c'était tout à fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire que pour moi le chemin était tout tracé, c'était faire une thèse, obtenir un doctorat, puis poursuivre le parcours classique, donc des post-doctorats, jusqu'à obtenir un poste en recherche académique. Et je me suis vraiment très bien entendu avec mes encadrants de thèse. Je me suis senti vraiment très accompagné tout au long de ma thèse, dans une relation bienveillante. Et en plus, j'avais des directeurs assez complémentaires puisqu'ils avaient des expertises légèrement différentes, ce qui me permettait d'aller voir l'un ou l'autre suivant les difficultés que je rencontrais, et la porte était toujours ouverte. Et pour moi, c'était vraiment des conditions alors financières qui étaient ultra optimales, et des conditions humaines qui étaient vraiment, enfin, je pouvais pas rêver mieux. Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce qu'on est passé d'un parcours un peu typique pour avoir un poste, une thèse qui se déroule extrêmement bien, à finalement sortir et partir dans l'industrie? En fait, pour pouvoir être chercheur dans un laboratoire académique, une thèse, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il est nécessaire de faire 1, 2, 3 post-docs, voire plus. Et c'est un passage obligatoire dans, on va dire, 99,9999% des cas. Et pour moi, ça a été assez perturbant parce que j'étais dans un environnement de travail qui me plaisait énormément. Et du jour au lendemain, tout s'arrête et il faut tout recommencer à un autre endroit, et si possible à l'étranger, parce que faire un postdoc à l'étranger, ça fait mieux sur le CV et ça optimise les chances d'obtenir un poste en recherche académique derrière. Donc déjà, cette transition entre le doctorat et le postdoctorat, c'était quelque chose qui a fait un peu une sorte de hiatus dans mon parcours, parce qu'il fallait rebâtir des liens humains, rebâtir une relation de travail avec de nouvelles personnes, en plus dans un pays étranger. Et en plus, dans l'optique d'optimiser son CV, en fait, on nous recommande de changer un peu de thématique. Et donc, les sujets sur lesquels j'étais devenu expert et vraiment très à l'aise et qui me plaisait d'approfondir, eh bien, d'un coup, il faut un peu les mettre de côté pour démarrer un nouveau sujet, ce qui est assez perturbant, et je m'attendais pas du tout à être aussi perturbé que ça lors du changement de thèse à post-doctorat. Et je suis parti en Angleterre en janvier 2020, trois mois avant le Covid. Et donc, en mars 2020, tout s'arrête et collaborer avec de nouvelles personnes, lancer de nouveaux sujets, des choses comme ça, c'est devenu extrêmement compliqué. Et même si j'avais toujours de bons contacts avec mon encadrant de postdoctorat, en fait, je me suis retrouvé très isolé scientifiquement et humainement. Et donc déjà, ça a commencé un peu à peser sur moi et à me demander si j'étais bien au bon endroit et si je faisais bien de la recherche comme il me plaisait d'en faire. Alors à cela, il y a d'autres choses qui sont ajoutées, c'est que j'ai été poussé et j'ai suivi les conseils donc avec enthousiasme donc pour candidater sur des postes permanents de recherche. Donc j'ai fait deux campagnes de candidature au CNRS et une campagne pour un poste de maître de conférence. Donc évidemment, ça n'a pas marché parce que j'étais trop jeune, mais on m'avait quand même conseillé de candidater, donc c'était un peu étrange. Donc il faut savoir que pour candidater sur un poste permanent en recherche, en fait, ce sont des candidatures qui sont très lourdes. Donc ça m'a amené à une certaine lassitude, un certain épuisement, en fait, de passer beaucoup de temps à préparer ses candidatures, et donc même en étant poussé à la candidature, en entendant des choses du style « c'est bon pour ton CV, ça te permet de te faire connaître », ou « j'ai une candidature où je me suis fait rejeter, où on m'a dit « ta candidature a été remarquée et appréciée, continue comme ça », mais bon, je suis quand même pas allé aux oraux, donc c'est un petit peu, combien de temps ça va durer comme ça ? Alors, je me suis posé cette question-là, justement, combien de temps ça va durer ? Donc j'ai regardé un peu autour de moi les gens qui avaient des postes, et quelque chose que j'avais pas trop fait en thèse, je m'étais un peu mis à l'abri de ces choses-là, mais en postdoc, je me suis dit, bon, combien de temps ça va me prendre, combien de postdoc il faut ? Et là, j'ai regardé les gens dans mon domaine qui avaient des postes, c'était en général au bout de thèse plus 4, thèse plus 5, j'ai même un exemple en tête de thèse plus 7. Et je me suis mis à convertir ça en l'âge que j'aurai lorsque j'aurai un poste permanent, c'est-à-dire l'âge que j'aurai lorsque je m'installerai et j'aurai un environnement de travail stable et puis une vie un peu stable. Et j'arrivais à des chiffres du style 32 ou 33 ans. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un petit problème parce que c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais et c'était pas du tout un parcours de vie qui m'allait. Et la période de postdoctorat, c'est une période de nomadisme scientifique où on va de labo en labo, donc on n'est pas fixé et lorsque notamment on a un conjoint ou une conjointe, en fait ça force au célibat géographique, ce qui est vraiment une situation désagréable et moi qui a contribué en fait à ma décision de ne pas continuer dans cette série de post-doctorat et d'arrêter et de me poser et de continuer à faire quelque chose qui me plaît malgré tout. Voilà, la galère ne s'arrête pas au doctorat, elle poursuit après. C'était pour faire entendre un peu un autre son de cloche, un mot peut-être pour, parce qu'il nous reste assez peu de temps, on est dans le dernier quart d'heure de cette émission. On évoquait juste avant la coupure musicale et ce reportage la question de l'encadrement, Jonathan Weitzman. C'est vrai que l'absence totale de formation à l'encadrement des directeurs de labo au moment de passer l'HDR, l'habilitation à diriger des recherches, paraît assez invraisemblable. Et assez anachronique. Oui, effectivement, en tant que chef de laboratoire, on a une responsabilité pour plein de choses pour lesquelles on n'était pas forcément formé et même pas sélectionné. Donc, pour diriger une thèse en France, il faut ce diplôme HDR, habilitation à diriger les recherches. C'est le dernier diplôme qu'on a. Normalement, c'est des années après la thèse et c'est un peu le diplôme pour devenir encadrant. C'est très français, c'est juste en France qu'on a ce diplôme, mais je crois que c'est une opportunité peut-être pour une réflexion et même une formation sur l'encadrement. Actuellement, le HDR est une évaluation très scientifique d'une carrière, donc c'est un moment très très stimulant pour le candidat. Il y a un jury comme un jury de thèse, mais souvent ou très rarement, on prend de cet événement de soutenance de l'HDR comme une opportunité pour réfléchir, parler, discuter et se former sur l'encadrement des jeunes chercheurs. On peut être effectivement un excellent chercheur et un très mauvais encadrant ou inversement. Adèle Bécombe, ça pose vraiment la question de mettre finalement ce mot qui est jugé peut-être un peu vulgaire parce que appartement au registre du privé, la notion de ressources humaines ou de management au sein de l'université. Et j'entends déjà des gens hurler. Finalement, ce serait quelque chose de sale auquel il faut pas toucher, mais malheureusement, on voit les ravages que ça peut avoir. Oui, en fait, il faut tout simplement des formations qui seraient obligatoires. Actuellement, il y a des formations qui sont proposées, mais elles ne sont pas obligatoires d'une part, mais en plus, ce ne sont pas des examens à proprement parler. C'est-à-dire que même si on n'a rien compris à la formation, eh bien, ça n'empêche pas d'obtenir l'habilitation à diriger ses recherches. Donc, clairement, il faut des formations à la pédagogie, il faut des formations aux relations humaines, parce que, comme vous avez dit, c'est pas parce qu'on est un excellent chercheur qu'on est un bon encadrant, mais c'est pas non plus une fatalité. Certains chercheurs, actuellement, ne sont pas faits, n'ont pas les compétences pour encadrer des doctorants, mais ils peuvent les acquérir. Et donc, il faudrait qu'ils aient cette formation-là. Et d'ailleurs, je pense que ça donnerait une valeur additionnelle à cet encadrement, parce qu'à l'heure actuelle, l'HDR, tout le monde le considère comme une deuxième soutenance de thèse qui va être très scientifique, qui est difficile. On revient vraiment sur toute une carrière. Mais au fond, quelle est la valeur de l'encadrement que cela apporte? On n'en sait pas, on n'en sait trop rien, en fait. Jonathan Weizmann, vous voulez réagir? Oui, effectivement. Donc, on pouvait avoir une formation, même obliger les futurs encadrants d'avoir une formation. Mais apprendre du bon encadrement, c'est quelque chose qui ça prend du temps. On apprend avec chaque doctorant, on apprend des choses de nouveau. Et je crois que c'est très rare en France qu'on discute. C'est quoi un bon encadrement, en fait? C'est quoi? Et on valorise pas dans les carrières des enseignants-chercheurs et des chercheurs le bon encadrement. Il n'y a pas en France, n'existe pas ce qui existe dans le monde anglo-saxon, les Mentoring Awards, un prix, ce n'est pas forcément l'argent, mais une reconnaissance, une valorisation du bon encadrement. Colin Lemay, vous vouliez réagir également? Je voulais réagir parce que c'est justement un point qui a été abordé par des études scientifiques dans un certain nombre de cas, lorsque des dispositifs ont été mis en place. Et qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on fait cet effort de donner les ressources aussi aux directeurs de thèse, aux encadrants, d'avoir ces compétences en termes d'accompagnement? Ce qu'on voit, c'est que lorsque l'encadrant il est perçu comme facilitateur, lorsqu'on sent qu'il y a un soutien de son encadrant dans le cadre de son travail de thèse, les doctorants, en contrepartie, l'épuisement émotionnel, il diminue, le décrochage en doctorat, il diminue. Donc en fait, d'un côté comme de l'autre, du côté du laboratoire qui va pouvoir compter sur ses doctorants et qui va pouvoir compter sur des doctorants qui seront en meilleure capacité de produire, de faire de la recherche sereinement, mais aussi du côté des directeurs qui, je pense, dans un certain nombre de cas, sont aussi bien embêtés d'avoir cette responsabilité d'encadrer des personnes qui sont en même temps expertes sur leur sujet. Il y a beaucoup de directeurs de thèse qui sont aussi décontenancés parce que faire avec ces doctorants? Ils les voient très peu de temps. Les doctorants, en même temps, sont aussi des personnes qui sont généralement très autonomes. Donc, il y a aussi des difficultés du côté de l'encadrant à parfois se positionner. Et donc, cette nécessité de formation, elle serait bénéfique aussi bien d'un côté comme de l'autre. Et on voit que ça fonctionne. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, est à creuser du côté français. Mais justement, du côté français, c'est intéressant ce que vous dites, Colin Lemay, parce que on entend, Jonathan Weizmann vient nous dire que cette HDR, elle n'existe qu'en France. Pour autant, vous le disiez, vous et Adèle Bécombe, au début de l'émission, cet épuisement, cette souffrance en thèse, elle n'est pas propre à la France. On la retrouve dans d'autres pays, notamment dans des pays occidentaux. Donc, comment ça se passe ailleurs? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des pays qui ont trouvé des solutions, des formules qui font que les parcours doctoraux se passent mieux qu'en France, Colin Lemay? Alors, il faut se rendre compte qu'à l'international, souvent, ces problématiques, alors elles sont un peu différentes de la France parce que déjà, le doctorat est généralement mieux intégré. On passe plus facilement du doctorat au monde du travail, tout simplement, parce que c'est plus reconnu par la société en général. Maintenant, ça change rien au fait que le doctorat, c'est un moment difficile, c'est un moment dans lequel il va falloir beaucoup travailler, il y a beaucoup d'exigences. Ce qui se passe, c'est que, en fait, Il y a certaines universités qui aujourd'hui se disent, ben, ce contexte du doctorat, on sait qu'il est problématique, on sait que ces doctorants, ils sont en souffrance, que si on les accompagne, ce sera bénéfique pour tout le monde, qu'il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place. Et donc, il y a des universités qui s'emparent de ce sujet et qui se disent, bon, on va accepter le fait que nos encadrants ne sont pas parfaits, que le doctorat, c'est pas un contexte qui est facile. Et donc, on va mettre en place des solutions, on va mettre en place des cellules d'écoute, on va mettre en place accompagner des associations de doctorants aussi pour favoriser l'entraide, des réseaux d'alumni par exemple, tout simplement pour créer un réseau de soutien, un soutien social qui est vraiment important. Jonathan Weitzman, c'est intéressant, c'était l'une de mes questions suivantes par ailleurs. Il y a une spécificité française autre que le HDR, c'est la très mauvaise reconnaissance, le statut très faible du doctorat en France qui conduit beaucoup de docteurs à se casser le nez à la sortie de leur étude. C'est ce qu'on entendait dans le reportage tout à l'heure, c'est-à-dire à ne pas trouver parce qu'il n'y a pas assez de place en recherche académique et à se retrouver préféré à des ingénieurs dont on pense que le diplôme a plus de valeur alors qu'ils ont travaillé comme des brutes pendant 3, 4 ou 5 ans. Il y a quelque chose à jouer là-dessus sur le statut du doctorat en France ? Oui, plusieurs choses à dire. Le premier, c'est que au moins dans les milieux plutôt scientifiques, une thèse est normalement financée. Donc, dans mon laboratoire, on ne peut pas faire une thèse si on n'a pas un financement. Et une thèse est fixée en 3 ans, qui est très rare, en fait. Aux États-Unis, une thèse en biologie, ça peut être 5, 6, 7 ans, un peu dépendant de relations avec l'encadrant. Alors qu'en France, on sait que on a 3 ans maximum, 4 ans devant nous, payés avec du congé, parce que un doctorant a un contrat de travail avec le droit au congé. Et vous avez remarqué qu'il y a très peu de gens qui en fait finissent pas avec une thèse à la fin. Donc en France, on fait une thèse relativement rapidement. Avec une garantie presque d'un diplôme à la fin. Le deuxième chose que j'ai à dire, c'est que c'est vrai si on pense qu'une formation de doctorant, c'est juste pour être chercheur dans le milieu public, la grande majorité vont pas finir d'être chercheur dans le public, et donc on peut dire on a raté un peu. Alors que je trouve qu'un doctorant, c'est une très bonne formation pour tout type de métier scientifique ou même non scientifique. Cette idée d'avoir eu une autonomie intellectuelle, technique, administrative, collaborative pendant 3 ou 4 ans, ça forme pour le milieu du travail et en biologie, tous nos thésards trouve du travail après la thèse. Adèle Bécombe, pour conclure, si vous proposez un certain nombre de solutions, donc plus former les encadrants à l'encadrement, rémunérer tous les chercheurs, y compris tous les doctorants en sciences humaines. Est-ce qu'il y a des mesures phares ou des mesures clés qui permettraient, selon vous, de sortir de cette fameuse culture que vous décrivez les uns les autres depuis le début de cette émission? Oui, ben là, on parle de financement. Bon, pour les sciences humaines, c'est une évidence. Il faut que tous les jeunes chercheurs soient rémunérés. Parce que depuis le début d'émission, on parle d'étudiants. Moi, je préfère vraiment parler de doctorants parce que le doctorat, c'est un travail de recherche. C'est un double statut, certes, ça débouche sur un diplôme, mais c'est un travail. Donc, on ne doit pas les considérer comme des étudiants à proprement parler. Ensuite, vraiment, je pense que ce qu'il faut mettre en valeur, actuellement, on met beaucoup en valeur le nombre des publications, le nombre de citations, ce fameux classement de Shanghai qui fait que toutes les universités veulent être très bien classées dans le classement de Shanghai. Moi, ce que je pense qu'il faudrait, c'est avoir une sorte d'un classement, mais qui, lui, serait basé sur la satisfaction au travail, la qualité de l'encadrement, en fait, tout simplement l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, parce que de toute façon, quand on est épuisé, on ne peut pas produire, c'est difficile d'être vraiment innovant, et actuellement, on veut de l'indépendance énergétique, on veut travailler sur l'écologie, mais à côté de ça, on ne donne pas en fait les moyens financiers et humains de vraiment le faire. Donc, à côté d'un classement de Shanghai très quantitatif, bien, il faudrait avoir des classements. Voilà, il faut avoir des classements sur les conditions de travail, le bien-être au travail qui bénéficie à tout le monde. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas à tous les trois, d'être venus nous parler de cette condition des doctorantes et des doctorants en France. Merci Adèle Bécombe. On peut vous lire dans Comment l'université broie les jeunes chercheurs, cette position autrement. Jonathan Weitzman, on peut vous écouter dans The Lonely Pipette, qui est votre podcast, dont on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter. Et Colin Lemay, on peut également lire Carnet de thèse de Tiphaine Rivière, c'est la bande dessinée aux éditions du Seuil. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Noémie Nagatsin, Vulfranc, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucher, Kaelen Trigueros à la réalisation, Florent Bujon à la technique. Et comme toujours, La Méthode Scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.